Chapitre 2. Moi, je suis une fleur qui pousse dans la plaine du Saron, un lys de la vallée. Oui, comme un lys parmi des ronces est mon ami parmi les filles. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt est mon ami parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. Combien son fruit est doux à mon palais. Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin, soutenez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche soutient ma tête, et son bras droit m'enlace. Ô fille de Jérusalem, ô je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. J'entends mon bien-aimé, oui. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune cerf. Le voici, il est là, derrière notre mur, guettant par les fenêtres et lançant des regards à travers les treillis. Mon bien-aimé me parle et il me dit « Lève-toi, mon ami, viens donc, ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé, leur saison est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens, oui, viens, ma belle. Ma colombe nichée aux fentes du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées. Fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. Prenez-nous les renards, oui. Les petits renards qui ravagent nos vignes quand elles sont en fleurs. Mon bien-aimé, il est à moi, et moi je suis à lui, lui qui paît son troupeau sur les prés pleins de lys. Et quand viendra la brise à la tombée du jour, et quand s'estomperont les ombres, reviens, ô toi, mon bien-aimé, pareil à la gazelle ou à un jeune faon sur les monts escarpés.